Le maréchal Kim Jong-un a fait don à l'arrondissement de Samdeon des matériels roulants nécessaires au développement et à la gestion de l'agriculture. La cérémonie de remise a eu lieu le 27 courant à l'arrondissement de Samdeon de la province du Liangang, en présence des fonctionnaires et travailleurs de l'arrondissement.